revoir tout au fond de nos couloirs une éclaircie interdite. L'espoir que j'ai perdu sans t'en vouloir prend ma folie sans répit. Il faut croire que l'enfer est ici-bas. Il faut croire qu'on s'enterre avant l'au-delà. Si seul dans ce monde-là, je n'existe pas. Si tu manques à chacun de mes pas, j'arrive à t'en moi. Je laisse, hélas, les nuits qui blessent, hélas, la vie que je donne, soudain m'abandonne. Je laisse, j'en lasse, l'infini à la place. J'éteins ma douleur, j'atteins le bonheur, on croit que je meurs. Savoir que je vais t'en décevoir à chaque instant, faire semblant, te voir étouffer jusqu'au dernier soir tous mes regrets en secret. Il faut croire que la fin me sauvera. Il faut croire que ma place est auprès de toi. Puisque dans ce monde-là, je n'existe pas. Si tu manques à chacun de mes pas, j'arrive à t'en moi. Je laisse, hélas, les nuits qui blessent, hélas, la vie que je donne, soudain m'abandonne. Je laisse, j'en lasse, l'infini à la place. J'éteins ma douleur, j'atteins le bonheur, on croit que je j'éteins ton absence, je trains le silence.